Chapitre 11e. Solennité annamite chinoise, le Tet, la fête du dragon. Les fêtes du Tet ouvrent l'année annamite au commencement de notre mois de février. Pendant les 3 jours que durent les solennités, les indigènes se livrent aux plus folles ripailles. Le commerce stoppe et il ne serait plus possible de se procurer la moindre mesure de riz. Tous ont réalisé la forte somme en vendant ou en engageant ce qui les gêne, car il faut à tout prix des piastres pour passer dignement ces jours de liesse générale. Pour les amateurs de bibelots, c'est le moment ou jamais d'augmenter les collections. Dès l'aurore du grand jour, la fête commence par d'étourdissantes explosions de pétards. Chinois et annamites revêtent leurs habits de gala. Les Chinois sont surtout remarquables avec leurs costumes de soie aux vives couleurs et leurs grands chapeaux de cérémonie constellés de verroteries qui font le plus brillant effet au soleil. En grande tenue, tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont commerce avec les Européens, viennent déposer à domicile leur carte de visite longue d'une aune et couverte de signes indéchiffrables sur joli papier semé de poudre d'or. Ils ne bornent pas là leurs attentions et se présentent les mains pleines de cadeaux, trop pleines même, car la simple discrétion ne permet pas de les accepter tous, mais on désobligerait un fournisseur, par exemple, si l'on ne puisait dans sa corbeille un paquet de thé ou quelques fruits. Le personnel de la maison offre de menus présents. Le cuisinier prépare en grande cachette un de ses meilleurs gâteaux pour ménager une gourmande surprise. L'usage est de s'occuper spécialement du costume des enfants, qui est toujours des plus riches. Tous ces bébés sont maquillés, pomponnés de la plus drôle façon. N'est-il pas curieux de retrouver si loin la gracieuse coutume que nous avons nous-mêmes au jour gras? Chaque case indigène est enguirlandée, enrubannée et abondamment pourvue de bannières, d'inscriptions de toutes sortes, et si l'on pénètre à l'intérieur, l'autel des ancêtres est décoré de fleurs, les tables sont surchargées de victuailles. Après les visites, le temps qui n'est pas absorbé par le jeu est consacré à manger, à boire plus que de raison et à faire un bruit effroyable avec des pétards. C'est extraordinaire comme ces populations, paisibles d'allure cependant, aiment ce divertissement bruyant. Mais on ne peut se faire une idée exacte du bruit mené pendant ces quelques jours de fête. C'est à tel point qu'il est impossible de sortir en voiture sans quelque péril, car les petits chevaux du pays se font peu à ce vacarme. Les gros personnages indigènes, pendant ces journées de réjouissance, reçoivent naturellement leur famille. Et le dog food Cholon, bien entendu, réunit dans sa vaste demeure ses nombreux collatéraux. Il invite aussi les Européens, et c'est une partie de plaisir que de se rendre à cette soirée annuelle. Il reçoit plus particulièrement dans sa pagode, chapelle privée, consacrée au culte des ancêtres. Chez les grands, la pagode est un vaste temple où sont accumulées les richesses de la famille. La pagode du Dog Fu de Cholon est entre toutes remarquable du fait jusqu'au sol. Les colonnes et les panneaux en bois rare sont sculptés très artistement, et les larges sièges incrustés de nacre sont vraiment merveilleux. Toute la maison, tous les jardins sont à la disposition des invités et illuminés avec cette profusion de lanternes, de lampes de toutes sortes, particulières aux Asiatiques. Un buffet est servi à souhait et obtient certes le plus légitime succès. Il faut avouer cependant que cette société mélangée d'annamites et de chinois ne plaît pas à tous les Européens, et ces soirées bigarrées n'ont pas la gaieté correspondante à leur bruyante allure. Des fêtes spécialement chinoises ont lieu assez fréquemment, mais la plus remarquable est la fête des ancêtres, de la paix, du travail et du commerce, etc. Plus simplement la fête du dragon, Dunko, qui se célèbre vers le milieu du mois d'avril. Ces réjouissances occasionnent des frais énormes, et il est certain que ces frais sont l'indice, chez les célestes établis dans notre colonie, d'une grande prospérité commerciale dans le présent et d'une confiance absolue dans l'avenir. Les Chinois sont organisés en congrégations ou associations avec chefs, contrôles et coutumes même spéciales. Chaque congrégation a sa pagode qui, dans les solennités, est ornée selon la richesse de l'association. Par exemple, la pagode de la congrégation de Canton est véritablement merveilleuse. Le fond de la salle est orné de statues en bois doré représentant des génies et des illustres parmi les philosophes de l'Empire du Milieu. Tout contre l'autel, chargé d'offrandes en nature, fruits et gâteaux, se dresse un gigantesque brûle-parfum flanqué de 2 énormes lampadaires qui se détache sur des tentures brodées lamées d'or sous la lumière des lustres très finement sculptés. Une foule sans cesse renouvelée d'anamites et de chinois défile en longue procession devant toutes ces richesses accumulées. Sans contredit, le clou de la fête est la promenade du dragon, qui, chose fort curieuse, a une certaine analogie avec celle de la tarasque de notre Provence. C'est une procession interminable de piétons revêtus de costumes bizarres, et groupés par congrégation, c'est un long défilé de chars, de châsses et d'autels laqués rouge et or, de pagodons et de chaises à porteurs de formes plus ou moins gracieuses, dans lesquelles se tiennent, graves et immobiles sous le soleil implacable, de jeunes enfants aux costumes étincelants, représentant des personnages célèbres de l'histoire de Chine ou des divinités allégoriques. Je fais grâce du détail. Tout ce défilé est entremêlé de compagnies de trompettes, de tam-tam, d'instruments grinçants, de flageolets suraigus, qui font une cacophonie sans pareil, et à chaque instant, sur tout le parcours, c'est une explosion de pétards qui assourdit tout le monde, car il n'y a point de bonne solennité, que ce soit naissance, enterrement, mariage ou encore autre chose, sans énormément de bruit. C'est un besoin, semble-t-il, pour ce peuple tranquille et silencieux de se détendre les nerfs dans de semblables fêtes infernales. Tout à la queue de la procession, le dragon, énorme monstre de carton peint, ferme la marche. Un solide gaillard, dissimulé sous le corps écailleux du monstre, fait exécuter au dragon les mouvements les plus désordonnés. La tête, qui est un chef-d'œuvre d'horreur, ouvre la bouche, tourne les yeux, tire la langue et manifeste par une mimique expressive et fantastique des sentiments divers. Ce long corps de serpent se déroule en replis tortueux et le monstre saute et bondit d'un air féroce au son d'une musique diabolique à grands coups de gong et de tam-tam. Devant les palais officiels, le dragon ne manque pas de faire la révérence et se complaît en respectueux salut, puis exécute, en l'honneur des hôtes, des danses de réjouissance fort fantaisistes. L'aspect de cette sorte de cavalcade est on ne peut plus pittoresque et surtout bien couleur locale. Sous le clair soleil, elle se déroule longue, poussiéreuse, bruyante et vivante, battant l'air de ses centaines de drapeaux, étendards et oriflammes aux mille couleurs agités par des hommes aux costumes étranges.